Carmen, on t'écoute. Alors, voilà, il y a un an, j'ai rencontré Sébastien. Ouais. En boîte. C'est aussi un client de mon père et le fils de mon maître de stage. Ouais. Et donc, c'était le coup de foudre et ça fait un an et j'arrive pas à lui parler. Enfin, voilà, quoi. Et donc, je voudrais que tu l'appelles. Ouais. Savoir ce qu'il pense de moi. Je le fais passer pour un collègue. Ou un copain. Pour un copain, ouais. Savoir ce qu'il pense de toi. Allez, on y va, c'est parti. On a peu de temps parce qu'après, je suis obligé de cavaler, malheureusement. Là, on va tâcher de faire au mieux. Et si je commence à discuter un petit peu avec lui. Ah, c'est une émission sérieuse. Je vais me retrouver avec des costards cravates. Sur France 2, si vous regardez, je vais me retrouver là-bas. Ils m'ont demandé de mettre une cravate. Non, je rigole. Oh là là. Et alors, tu vas être bourré. J'aime bien ces émissions de débat, putain. Vous voulez toujours parler de Love Story. Il n'y a pas que Love Story dans la vie, c'est bien ça. Il y a un petit mot, ça va être bien. Il y a des belles filles, il y a une petite blonde là, sympa, là derrière. Il y a des belles meubles. Il y a du bon monde dans le public. Et j'ai des choses à dire, putain, sur les jeunes. C'est tout. On m'invite, j'aurais pu refuser, j'ai envie. Non, mais ils me poseront les questions, ça va me faire kiffer, ça va me faire marrer. J'arrive, Alain. Alain Duhamel. Bon, apparemment, ça sonne, ça tombe mal et ça tombe bien en même temps, parce que j'avais un peu peur de bâcler. Hein, ah. Bon, sinon, j'avais un peu peur de bâcler la chose. Il me reste une minute, trois minutes. C'est pas grave, on le fera après avec Gérard. Gérard, il peut bien se faire passer. Je préfère dans ces cas-là, comme c'est Max qui a commencé, je préfère que ça s'en sorte. Comment ça après la chose? J'ai rien commencé, j'ai rien démarré. On va te faire une fiche avec tous les renseignements sur le mec et tout ça. Non, mais tu te fais passer. Attends, est-ce que Carmen est d'accord? Moi, je préférais que ce soit Max. Bon, alors voilà, donc l'histoire est réglée, on remet ça demain pour toi. Voilà, terminé, merci Carmen. Merci Carmen. Honnêtement, je pense que tu fais un mauvais choix parce que Gérard aurait très bien pu se débrouiller aussi bien et même mieux, je pense, que Max. Claire, on peut tenter le coup. Ouais. Bon, moi, je valide l'idée. Je suis assez d'accord avec Phil Dard parce que Gérard ayant pris 2 mois et demi de recul par rapport à la radio, je trouve qu'il a les idées fraîches, il a le cerveau bien reposé. Et si on lui donne tous les renseignements et qu'on lui demande de faire exactement, on lui dit exactement ce qu'il doit faire, à mon avis, Gérard, je le connais, c'est sa modestie qui parle et d'ailleurs, on l'en remercie, mais je pense qu'il est capable de pouvoir faire quelque chose de bien. J'espère, alors je compte sur toi. Hein. Ah bah, de toute manière, on verra bien. Hein. Donne bien tous les renseignements et. Même le numéro, s'il est au plus, à négatif, tout. Hein, tout est bon à prendre. Tu donnes bien tous les renseignements à NK ou à Pildar et tous les détails, même s'il est allergique à quelque chose, si tu vois. Je vais voir ce que je peux faire pour essayer de faire le. Si c'est de l'asthme, tu vois, s'il est allergique au pollen, il faut vraiment en mettre le maximum de détails pour Gérard. Hein. Okay. Non, sérieusement, on va faire ça. Moi, je vais écouter ça du taxi, ça va être bon esprit, quoi. Donc, c'est la radio libre et c'est Gérard qui va me remplacer jusqu'à minuit. Hein. Moi, je repasserai juste après. Il y a Anka, bien sûr, Fildar et Manu qui restent là pour épauler le tout. Sandy dans les parages également. Moi, je vais partir, je reviens, je fais des allers-retours. Qu'est-ce qu'il y a, Anka? Qu'est-ce qui t'excite? Non, parce que je vois le plateau télé et je me dis que ça va être bon de te voir. Mais vous connaissez pas cette émission? Ça va être bien. Mais elle est bien, cette émission. Non, mais oui, je connais pas dans cette émission. Elle est bien. Allez, vas-y. Non, mais je sais pas, mais voilà, moi, je émission sur la délinquance et je lui dis quoi? Ah, je crois que c'était un jeu sur les mots croisés. Non, mais j'ai cru, je lui ai dit au début, vous savez, moi les jeux de société, le Scrabble, tout ça. Non, non, ça c'est le nom de l'émission, ça n'a rien à voir. Ce disque collection, la musique du film, la musique du Love Story. Donc Max est parti là pour une émission donc, qui s'appelle Mon Croisé sur France 2, si vous voulez vous brancher sur France 2. Avec Arlette Chabot et Alain Duhamel, le thème c'est sur la délinquance. Et un petit coucou à tous ceux qui passent le bac aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0803 08 5000. Donc pour la libre antenne, c'est... Ouais. Justement, Gérard, ceux qui ont passé le bac, ils peuvent nous appeler pour savoir si ça s'est bien passé. Voilà. Donc les sujets de philo, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler. On vous attend au 0803 08 5000. Voilà, donc vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc Manu, toujours là, on commande. Anka au standard et Fildar, bien sûr, toujours, ouais. Bibi. Et Carmen au standard aussi. Et Carmen, qu'on va rejoindre tout de suite. Rebonsoir, Carmen. Rebonsoir. Donc, on va appeler Sébastien. Donc, apparemment, j'ai un peu tout sous la main. Donc, normalement, ça devrait bien. Bon boulot. Ça devrait bien se passer. Mais si on voit que ça part, dans ces cas-là, on laissera Max rappeler demain, d'accord? Ok, d'accord. Donc, on va essayer de joindre Sébastien. Ok. Voilà, donc pour l'instant, il y a un appel. Vous pouvez nous appeler toujours au 0803-08-5000, n'hésitez pas. On attend vos appels. Donc on est en train d'appeler Sébastien, en espérant qu'il soit là. Qu'il réponde, ouais, surtout. Ouais. En espérant qu'il résiste pas, puis qu'il écoute pas la radio, c'est tout ce que on lui demande. Apparemment. Allô? Allô? Sébastien? Allô? Allô? Allô, Sébastien? Ouais. Ouais, bonsoir Sébastien, c'est un copain, je suis le copain de Carmen. Ah, bonsoir. Bonsoir, tu l'as rencontré au Kiboui, là, dans une boîte près de Sainte-Méloune, non? Tu te souviens d'elle? Non. Ah, ben moi, elle m'a dit qu'elle te connaissait très bien. Tu la connais pas, toi, Carmen? Ah non. Bon, si, elle m'a dit que tu la connaissais bien. C'est une grande d'1m75 aux yeux bleus, cheveux courts. Elle est en terminale en ce moment, agricole. Ah non. Pourtant, son père, tu bosses pour son père? Tu bosses pour son père, ouais. Il est artisan en travaux publics. T'es bien agriculteur, quoi. Ouais, je suis agriculteur, mais je bosse pas pour son père. Bah c'est où c'est ton père que son père qui bosse. Ouais, plutôt elle sur son train. Ouais. Donc tu te souviens pas d'elle alors? Non. Et t'es qui toi là-dedans? Bah moi je suis un ami à elle. Et t'es à l'école avec elle? Bah ouais, je suis pas dans la même fac qu'elle. Hein. Bah elle est pas en fac. Bah elle passe son bac. Elle est en terminale agricole. Ah bon? Bah ouais. Bah tu voulais me dire quoi? Bah, c'était pour savoir si tu pensais la revoir ou pas. Je la vois comme ça. Bah, tu l'as vu aujourd'hui, hein, d'après ce que j'ai vu. Bah, elle t'a vu, elle, aujourd'hui. Hein. Ah bon? Bah, bah ouais, elle me l'a dit, là, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit qu'elle t'avait vu. Tu la trouves comment, sinon? Pas à mon goût. Bah, pourquoi? Hein? Pourtant, elle est bien. Attends, 1m75, brune, aux yeux bleus, cheveux courts. Attends, pour moi, là, c'est super. Oh, mais moi, non. Puis, moi, j'ai 28 ans. C'est bon, les gars, j'ai une copine, tout va bien. Bon, je vois pas pour moi que... Tu peux pas essayer d'arranger le coup, quand même? Parce qu'elle m'a appelé, elle était presque en pleurs. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bah si, elle était en pleurs, je l'ai eu tout à l'heure, elle était en pleurs, elle me dit ouais, je l'ai vu, il m'a même pas parlé. J'aurais pu quand même lui dire au moins un petit bonjour. Elle peut parler, non, elle raconte n'importe quoi. Ah bah, arrête un peu. Ah bah moi, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Ah bah elle est à côté de la plaque, hein. Bah je sais pas, mais ça serait bête de la laisser, pourtant, 1m75, je vais te dire. Ah, y a pas que le physique. Bah ouais, d'accord, mais je trouve qu'elle est quand même bien, non? Alors, mais attends, moi je suis casé, j'ai une copine depuis longtemps. Bah, tu peux pas essayer au moins de... Je vais pas larguer ma copine va être pharmacienne. Après, elle a presque le même âge que moi, on s'entend bien. Moi j'ai pas rien. Hein. Ouais, mais essaye de recoller un peu les morceaux, restez bons amis au moins. Et je l'ai eu... Bonne amie avec elle, Mais t'es déjà sorti avec elle en plus, qu'elle m'a dit. Ouais, il y a longtemps. Ouais. Ah bah ouais, bah alors. Alors tu la lâches comme ça du jour au lendemain? Non. Bah qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est elle qui t'a lâché ou c'est toi qui l'as lâché? Non, mais je vais expliquer. Ah bah parce que moi, c'est pas ce qu'elle m'a dit, hein. Ouais, bah oui, c'est pas de ma faute. Bah ouais, mais moi, je sais pas comment faire pour elle, hein. Non, t'es qui, toi, là-dedans? Ben moi, je suis un copain. Je suis un copain à elle, je suis Fred. Fred d'où? Ben, je suis Fred qui habite pas loin de chez elle. Hein. Ah bon? Ben oui. D'accord. Donc, comment qu'on fait, alors? J'essaye de... C'est pas mon problème, hein. Moi, je suis de Saint-Ménoul. Hein? Je suis de Saint-Ménoul aussi, je suis pas loin de chez elle. J'étais dans la même boîte que vous en plus. Mais moi j'étais. Bah ouais. Et comment ton ami? Ah bah c'est Fred. Ah oui, d'accord. Bon alors comment que je fais avec Carmen? Tu l'as. Ah non, tu débrouilles, c'est pas mon problème. Moi j'ai trouvé d'autres problèmes à régler que ça, attends. Bah tu la rappelles demain pour essayer de recoller les morceaux avec elle ou pas? Ah non, non, non, non. De toute façon, elle sait très bien que j'ai une copine, que ça va bien avec elle, que non, non. De toute façon, attends. Ouais. C'est rigolo. Ben, moi, je sais pas. J'ai une copine, de toute façon, alors qu'elle arrête de marceler. Hein. Bon, qu'est-ce que, comment qu'on fait, alors? Ça arrive tout, moi, c'est pas mon problème. On la rappelle? On te rappelle après? Ah non, mais c'est pas mon problème, c'est des brouilles, hein. Dire, bon, ben... Il y a déjà plus d'un an et demi, moi, c'est des brouilles. Hein. C'était quand... moi, je vais pas te raconter ma vie, mais bon, c'est tout, c'était comme ça. Bon, bah, ce qu'on va faire, on va te rappeler d'ici 10 minutes, un quart d'heure, alors. Ok? Ouais. Ok, bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, Gérard. Bien, Carmen, bien, bien, bien. À Carmen, ouais. Moi, c'est Carmen. Bien un truc bizarre, hein. Carmen. Oui, oui, je suis là. Et alors, c'est quoi cette histoire, là? Cette histoire, quoi, c'est-à-dire une copine. Ouais, il a une copine, mais je sais, je suis au courant, ça fait 2 mois et demi qu'il sort avec et. Moi, je sais pas, j'entends toujours dire c'est pour du cul, parce que c'est vrai que Sébastien, lui, il y a presque ça qui l'intéresse. Mmh. Pourquoi t'es sorti avec lui, alors? Hein? Mais pourquoi que t'es sorti avec, alors, s'il y a que le cul qui l'intéresse, lui? On est sortis ensemble, c'était le 11 novembre, là, 2000. Mmh. Le 11 novembre 2000. Bonne date, hein, pour sortir ensemble, c'est une bonne date. Ah ouais, en plus. Tu m'étonnes, la date, t'aurais pu choisir le 12, je sais pas, mais le 11 juillet. Ouais, par exemple, le jour du feu d'artifice, ça aurait été mieux, hein. Ça aurait été mieux, hein. Par exemple, un 14 juillet, là, je pense que ça aurait été mieux, hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait, la belle bleue. Ouais, Carmen, qu'est-ce qu'on fait? On le rappelle d'ici 10 minutes, comme j'ai dit. Non, mais pourquoi alors vous êtes plus ensemble si. Mais qu'est-ce qui s'est, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein, en fin de compte? Il s'est passé parce que, donc, mon père travaille pour lui de temps en temps. Ouais, t'as bien vu ce que je lui ai demandé, il me dit que non. Oui, il m'a dit que non, alors. Et au début, il disait qu'il me connaissait pas, puis comme par hasard, aussitôt, il connaît mon père, mais il me connaît pas moi. Ouais, mais il me dit que ton père, il travaille pas pour lui. Il connaît ton père, mais il paraît que ton père travaillerait pas pour lui maintenant. Si, mais attends, mais il déconne. Mais... Ah bah ouais, moi, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est tout à fait d'accord. Mais attends, moi, j'ai rien à me reprocher. Je sais ce que mon père, il fait. Je sais ce que Sébastien, il fait. Si lui, après, il a envie de raconter des conneries en me disant qu'ils ne me connaissent pas, enfin, moi, il faut qu'il arrête aussi, quoi. Je veux dire, on est sortis ensemble le 11 novembre. Il m'a dit que ça ira pas plus loin entre nous parce que j'ai pas envie de mettre mal avec tes parents, quoi. Et voilà. Aussi, il a essayé de coucher... Enfin, il m'a fait des avances et moi j'en ai pas trop voulu, donc moi je suis sûre que c'est à cause de ça, quoi, que ça a pas marché. Ouais, en sachant tout ça, pourquoi tu veux retourner avec lui? Mais tu sais, ça fait un an depuis le 22 avril 2000 que j'ai dans la peau et... Ah non, attends, 22 avril 2000, parce que si t'es sorti avec lui le 11 novembre 2000, tu pouvais, t'avais pas encore envie de lui le 22 avril 2000, hein. Eh ben, pourquoi? Bah non, parce que si t'es sorti avec lui le 11 novembre 2000. Oui. Et tu me dis que t'avais envie de lui déjà bien avant, depuis le 22 avril 2000. Eh ben oui. Ah donc, c'est bien avant le 11 novembre. Que je l'ai rencontré. Ouais. Et on est sortis ensemble le 11 novembre. Ah d'accord. Il m'a fait des avances ce jour-là et j'ai refusé, quoi. Mm-hmm. Et donc, je suis sûre que c'est à cause de ça et... Enfin voilà, quoi. Ouais, disons, c'est compliqué, hein, ça. Parce que si on le rappelle et puis il me dit la même chose, je sais pas comment faire, hein. Non, mais de toute façon, du début, il t'a tout nié, donc, enfin, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ça sert pas à grand chose de le rappeler. Il faudrait que toi, tu vois, tu fasses la démarche d'aller le voir, je sais pas, dans la semaine, si tu peux. Ouais. T'as bien vu, comme Manu dit, moi j'ai même essayé de lui dire, j'ai même dit, t'as bien vu, je lui ai dit dans ces cas-là, essaye de la rappeler, parce que moi t'as bien vu, je lui ai dit que t'étais en pleurs quand tu mentais et tout, donc t'as vu, j'ai quand même essayé ouais, de... Oui, non mais c'est clair. Non, sinon, t'attends qu'il te rappelle ou essaye de le rappeler toi, puis de voir avec lui, puis si ça va pas, bah, dans ces cas-là, tu redonnes un coup de fil à Max, tu lui dis comment que ça s'est passé avec... comment que ça s'est passé quand on l'a eu et puis tout, hein. Ouais, ouais. Mais parce que là, ça sert à rien qu'on le rappelle, hein, en fin de compte. Hein. Bah, c'est clair. Parce que si on le rappelle pour rester au même point, je pense que on va perdre du temps. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est toi, tu peux le voir quand? Ce mec-là. Mercredi après-midi, je travaille chez eux. Donc tu peux le voir quand? Tu m'as dit vendredi? Mercredi après-midi. Mercredi. Eh ben nous, tu vois mercredi et nous, on te rappelle jeudi. Comme ça, tu auras eu la discussion avec lui, la conversation. Ouais. Et à ce moment-là, bah, suivant ce qu'il t'a dit, on le rappellera jeudi soir. Bah oui, en plus... En plus, Gérard, t'es là, toi. Bah oui, je serai là, en plus. Et pourquoi tu seras là? Parce que le 17, le dimanche, c'est mon anniversaire, donc voilà. On fêtera ça le jeudi tous ensemble. Voilà, avec celui de Sandy qu'on avait oublié au mois de février. Donc en fait, tout tombe bien. Voilà. Donc ça roule, Carmen, on fait ça alors ? Ben, y a pas de problème. Bon, bah, t'essayes d'avoir des news d'ici mercredi, et ouais. Puis on te rappelle. On te rappelle jeudi. On te rappelle jeudi alors. D'accord, ok, y a pas de problème. Allez, sur ce, bisous. Allez, ciao. Bisous. Alors, on accueille Thierry, 18 ans, de Bordeaux. Salut, oui. Thierry. Bonsoir, Macha. Bonsoir à tous. Je m'appelle pas Macha. Hein. Juste avant, excusez-moi, on rappelle quand même que Max est en direction d'une émission de télé. Voilà. Il s'appelle comment, Gérard? Il s'appelle Mots Croisés sur France 2, donc avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Voilà, ça a déjà commencé. Max va arriver sur le plateau. Donc, dès que... Soyez attentifs. Il cartonne politique, en plus. Ouais, voilà. C'est un thème sur la délinquance, alors. C'est super, les cités, les wesh-wesh, tout ça. Ouais, dès qu'il est sur les plateaux, n'hésitez pas, on mettra des news. On mettra du son. On mettra un peu de son, puis on suivra attentivement ce qu'il est en train de dire. Donc moi, je voulais parler de mon problème quand même. Ouais. Ouais, alors moi, ce matin, j'ai passé le bac. Mm-hmm. Et je pense que je l'ai foiré. Et tu t'aurais foiré sur quoi? Eh ben j'ai foiré le devoir de philo, en fait c'était sur la philosophie là, je sais pas si tu t'y connais un petit peu. Ce matin c'était la philo, il y avait que la philo ce matin. Ouais, il y avait que la philo, ouais. On peut accueillir aussi un autre auditeur, c'est Gabi justement aussi. Gabi, 19 ans de Lyon, qui a passé aussi son bac. Hein. Ouais, tout à fait, bonsoir. Donc bonsoir Gabi. Bonsoir Gégé, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Bonsoir à tous. Matin avec Thierry. Hein. Bonsoir Thierry, bonsoir. Salut Gabi, tu vas bien? Ah, tranquille, et toi? Très bien. Gégé, moi j'ai un peu le même souci, c'est que j'avais la philo comme tout le monde ce matin. Je pense qu'il n'y avait qu'une épreuve aujourd'hui. Hein. Ouais, tout à fait. Et je sais pas, moi en fait, j'ai trouvé le sujet difficile et j'aurais bien voulu que tu me dises un petit peu ce que toi t'aurais traité. C'était quoi le sujet là? Justement, Gérard. Ah ouais, mais c'est quoi comme un sujet sur la philo? Est-ce que t'avais les sujets toi? Est-ce que t'as récupéré les sujets qui sont passés ce matin? Ah non, moi j'ai pas eu l'occasion d'avoir les sujets. Sandy, vous les aviez peut-être? Non, moi je les avais pas, mais tu sais, c'est confidentiel parce que quand ils les mettent, c'est sous scellé, c'est dans des enveloppes. Ouais, mais toi t'as passé quand même ton bac. Mais non, moi j'ai pas passé mon bac, j'étais jusqu'en troisième. Alors, tu peux savoir, tu peux quand même nous aider aussi là-dessus sur la philo. La philo, je crois ils l'ont dit dans les informations, les thèmes de débat, mais je me rappelle plus exactement ce que c'est. Oh, tu t'y connais en Grèce antique. Je me rappelle plus, donc je sais plus c'était sur quel sujet, mais... C'était la philo, bon. C'était quand même des sujets. Thierry, il s'en souvient, il l'a passé ce matin. Ouais, il m'en souvient, tout à fait. Je voulais réagir quand même, là, parce que depuis tout à l'heure, on parle, j'ai l'impression d'être dans le loft. Non, t'es pas dans le loft, t'es sur phone. Donne les sujets à Gérard. Ouais, alors le sujet que j'avais, moi, c'est peut-on être débile et profiter de la technologie? T'en es sûr que c'est... T'es pas en train de me prendre pour un clou? Pas du tout, c'est pas mon but. Donc j'ai complètement foiré mon devoir. Oui. J'aimerais savoir si Spinoza, pour toi, a un sens. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est demander à Gabi ce qu'il avait lu comme sujet pour comparer déjà. Moi, je suis dans une autre académie, donc forcément, c'est pas le même sujet. Moi, j'avais eu la misogynie est-elle une hégémonie effective? C'est quoi ce plus dur, donc. C'est lourd, quand même. S'il y a d'autres personnes qui ont passé le même thème... Ou qu'ont un dictionnaire. Ou les mêmes thèmes de philo et qu'ont un dictionnaire, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler au 0803-08-5000, parce que là... C'est galère. Moi, je vois qu'ils demandent en philo tout ça pour avoir le bac. Attends, je dirais que le bac, tu fais rien du tout, t'es payé au SMIC. Franchement, je trouve ça un peu dur, quand même. Ouais, non, mais je pense que là... Je pense qu'ils mettent la barre un peu haut. Non, mais là, sur ton thème de philo, par contre, c'est un peu... Tu peux nous l'expliquer, d'ailleurs, ce que t'as fait, toi? Ça t'aurait dit quoi, ouais, sur la misogynie? Franchement, je savais pas. Hein. C'est Gabi, hein, ça. Ouais, c'est Gabi, la misogynie, déjà, j'ai séché. Donc après, il me restait quoi, l'hégémonisme? Attends, t'as séché, donc t'as pas répondu du tout, alors? Bah, j'ai essayé un petit peu de broder quand même, de faire des phrases, j'ai mis mon nom, j'ai mis ma classe, tu vois, des trucs comme ça, mais chaud quoi, hein, franchement chaud. Mm-hmm. Et tu es des antiques sèches, non? Bah non, franchement j'avais la calculette, mais... Après, non mais attends, je crois que... T'as un graphique, ce 3D là, celle qu'on voit des messages. Ah, avec l'écran couleur, ouais. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ouais, mais je croyais que cette année, normalement... On s'échange des paniers digitales. Non mais Gabi, t'attends... Je croyais que cette année, tous ceux qui passaient le bac, normalement ils devaient être fouillés pour savoir s'ils n'avaient pas quelque chose sur eux. Donc comment que ça se fait que vous êtes passé à l'as? Moi c'est bon, j'avais un Beretta, mais bon, ils m'ont laissé tranquille. Hein, parce que, c'est ça. Ils m'ont dit... parents. Non, non, mais je joue pas les gros malins parce que ça va pas là. T'as le droit à la calculette, hein, Gégé. Non. Non, normalement, c'est interdit cette année. Ils l'ont bien dit l'année dernière que ça. Attends, Gégé, comment tu fais, toi? Tu fais les dérivés, les primitives en maths, tu les fais de tête, par exemple. Aïe. Bah, tu gardes. Les multiplications, c'est chaud, alors t'imagines une primitive, quoi, je veux dire. Eh ben, tu gardes le sujet, puis tu le fais chez toi avec ta règle. On s'éloigne de la philo, quand même, hein. Non, mais sur les thèmes de philo, bon, personnellement, moi, j'étais pas. T'aurais développé quoi, toi, Gérard? Déjà, si t'avais eu le choix entre les deux, t'aurais pris lequel? J'en aurais pris aucun. Parce qu'il y a un choix, normalement, non? Il y en a pas deux. T'en as deux au choix, avec un commentaire composé, au passage. Mais pourquoi, le deuxième thème, c'était quoi, alors? Ah ben, c'était le commentaire composé, avec un texte. Ah oui, mais c'est ça, il y a un sujet à développer. Voilà, et j'ai eu Spinoza, et franchement, je sais pas si t'as déjà lu du Spinoza, mais c'est chaud, hein. C'est quoi? C'est un philosophe, qui parle de philosophie. Pinot d'Angio, je crois que c'est. Pas Pinoza. Ouais, ça peut être ça, mais merci. Ah non, moi non. Ah non. Ah moi là-dessus, c'est pas du tout ma branche. Sandy pourrait peut-être nous aider. Je pense qu'elle a fait des études quand même, 60 ans. Bah j'ai fait des études, j'étais jusqu'en 3e année de CAP, j'en payais de bureau, donc je peux pas. Ah bah, t'as vu la philo alors. Non, il n'y a pas de philo, c'était plus des sujets sur la sténo, la dactylo, là, les petites machines à écrire là. Et Gégé, toi t'as pas fait ce qu'on appelle de la philo de comptoir? Non. Non, même pas. Non, non. Non, non, mais je te signale que là, pour l'instant, t'es en train de me prendre pour un clown. C'est pas du tout le thème de ton débat. C'est ta question. Revenons dans le débat. Donc, et vous avez quand même réussi à écrire. Parce que bon, Gérard, je pense pas qu'il puisse vous aider en philo. Hein, puis de toute façon, c'est passé, donc maintenant, c'est fait. C'est trop tard. Mais maintenant, ouais. Est-ce que vous avez, en fait, Gérard a pu poser cette question, je pense qu'elle lui brûle les lèvres. Ouais. Est-ce que vous avez appris, comme c'était ce matin la première fois que vous passiez vraiment un examen assez sérieux, tu vois, que vous vous trouviez face à la copie et qu'il fallait quand même, tu vois, faire quelque chose, tu vois. Ouais. Est-ce que vous avez appris, pour les prochaines matières, à avoir un mode de travail, je sais pas moi... Une rigueur dans le travail. Une bonne méthode de préparation. C'est la question de Gérard, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors Gérard, pour répondre à ta question. Gérard, merci de l'avoir donné déjà. C'est vrai que ça apprend quand même, même si tu plantes sur la matière, en fait, ça t'apprend quand même à te concentrer, à faire un brouillon blanc, rendre une copie blanche, donc ça t'apprend bien à structurer ton travail, donc c'est vrai que ça sert quand même. Dans l'absolu. Excuse-moi parce que j'étais en train de... Il est ailleurs. J'étais en train de discuter avec Manu, donc alors tu disais... Ouais, bah ouais. Non mais moi Thierry, je voulais répondre à la question aussi, tant qu'à faire. Moi je voulais plus répondre que moi en fait j'aimais pas trop les structures, si tu veux, je suis un rebelle dans l'âme, moi ce que j'écoute c'est Daft Punk à fond les baloches. Ouais. Bah, de toute manière ils étaient avec Max à 9h. Hein. Ah bah ça c'est super. Et donc j'ai acheté un boom blaster et tout team, hein, le son de... De ouf. Le son de ouf, voilà. Tu me l'as de la pression, quoi. De la langue. Mm-hmm. Ça pique aussi. Et donc je disais que moi je suis un rebelle dans l'âme, donc ils m'ont demandé de venir à telle heure, bah, je suis venu 10 minutes après. D'accord. Oui. Je crois que tu peux pas rentrer quand tu arrives en retard. Normalement t'as pas une fois que si t'es pas là. J'estime que la philosophie est un choix simple. Oui, mais moi j'ai il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que quand on vous donne des heures pour aller pour passer le bac, faut pas arriver 10 minutes en retard, sinon vous passerez votre bac et ben la philo ben vous ne l'avez pas. Si t'as un accident ou que t'arrives en retard, t'as raté ton bus. Faut te dire une chose, que là lors des examens du bac là qui commencent depuis aujourd'hui, je pense que les mots d'excuse, il y en a beaucoup qui vont pleuvoir. Mais si c'est pas des bons, il y en a beaucoup qui vont... Le RER, il a crevé, tu peux être en retard. Oui, c'est ça. Le RER qui crève, tu prendrais pas les gens pour des clowns. C'est ça. Il y a des pneus sur des RER. Tes auteurs préférés, c'est qui tes auteurs? Revenons un petit peu dans le sujet. Ah mais moi je te dis, je n'y connais rien en philo. Non mais tes auteurs préférés. Gérard, tu connais bien Victor Hugo et Baudelaire. Mais non, moi je connais pas tout ça, toi. Tu me parles des gens que je connais pas du tout. Moi j'étais pas. C'est des poètes. Mais j'étais pas né. Régis Heineken. Non mais t'as quand même bien entendu, je sais pas moi, des poèmes de Baudelaire ou de Verlaine. Que j'aime lire. Non. Non mais. Tu es abonné à J'aime lire. Non. Mais arrête, c'est pas ta passion. Tu fais une tête à l'air les du bouchon, quoi. Bon, Gabi et Thierry, je pense qu'on va en rester là parce que pour l'instant vous êtes en train de faire les clowns. Bah, pas du tout. Non, parce que là vous sortez du sujet, vous sortez, vous êtes. Là. Non, vous êtes en train de sortir du. des sujets de philo. Donc, dans ce cas-là, on va en rester là. Je vous souhaite bon bourre pour la suite. Ouais, ce qu'on peut faire juste avant, c'est quoi la prochaine matière, là? C'est quoi, oui, pour demain, c'est quoi? C'est la géo. Demain, c'est la géo? Ouais, c'est ouais. Toutes les capitales. Je crois que c'est les mathématiques. Non, non, en principe. Non, mais t'as le matin et l'après-midi. Là, on ne sait pas. Hein, le matin, je crois que c'est maths et l'après-midi, histoire. Bah, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous renseigner sur les deux prochaines matières, qui nous appelle au 0803-08-5000, on les prépare sur l'antenne. Justement, excuse-moi avant que Gabi et Thierry nous quittent, est-ce que tu peux donner des conseils aussi bien à Gabi et à Thierry qu'aux auditeurs qui écoutent pour bien sûr les prochaines matières? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour être, je sais pas, bien concentré, pour bien faire du travail convenable, pour une bonne note? Bah, il y en a qui disent de pas trop stresser, donc c'est vrai, de pas prendre de trop de café, ça c'est vrai que ça sert à rien parce que c'est un excitant, donc de se coucher de bonne heure, bon, ça c'est chacun qui fait ce qu'il veut en fin de compte, hein. Mais le mieux, c'est pas de trop se dire, bon, demain j'ai ça, pour que je le révise, pour que je le réussisse. Ça sert à rien de se bourrer la tête maintenant, parce que au moment de l'examen, c'est de là qu'on va échouer, et donc c'est pas bon. Mais GG, ils ont fait des médicaments anti-stress. Ouais, mais même, ça sert à rien de se bourrer de médicaments. Ça sert strictement à rien. Parce que le gars, ils vont prendre des médicaments, puis le lendemain. Ils vont à moitié dans le cirage et tout. Donc c'est pas bon de prendre des médicaments. Hein. Je pense qu'il faut une bonne nuit de sommeil et puis voilà. Penser au bac. Penser au bac, mais à l'épreuve, si, parce que s'il y en a qui passent l'épreuve de géo ou de maths, parce qu'on sait pas dans quel sens ça va se dérouler, si c'est la géo en premier ou les maths ou vice-versa. Donc on sait pas. Donc voilà, Thierry et Gabi, donc on vous souhaite un bon bourre, bonne chance pour la suite. Oui, mais Thierry, je voulais juste te poser une question. Oui. Parce qu'on parlait de rumeurs, de love story, tout ça. Oui. Et j'aimerais juste savoir si c'est vrai que, parce que j'ai entendu que, en fait, tu avais envoyé ton CV, tu allais de candidature pour remplacer le clébard dans love story, c'est vrai ou pas? Alors, je vais te dire une chose que là, pour l'instant. Oui, c'est possible. Je sais pas. À tous les deux, je vais vous dire une chose que attendez. Oui. C'est moi qui parle. Et pour l'instant, vous n'avez pas commencé à me prendre la tête avec cette histoire-là, d'accord? C'est pas la peine d'en profiter que Max ne soit pas là et que c'est moi qui fais de la libre antenne avec vous pour me dire des conneries, d'accord? Alors, vous deux, ta question, Thierry et Gabi, elle est nulle, comme vous, d'accord? En de bon entendeur, salut. Et pour ça, on va accueillir... Gérard, justement, on a eu la précision, là. Ouais. Donc, demain, en fait, il y a le bac français pour les premières. Ouais. Et mercredi, il y a... Histoire, géo et physique. Et maths, donc, il n'y a qu'une matière demain. Non, demain, c'est le bac français pour les premières, pas pour les terminales. D'accord. Et donc, mercredi, il y a deux matières. Et jeudi et vendredi, il y aura certainement maths et... Voilà. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Max n'étant pas là et donc il va être en direct d'ici peu de temps dans l'émission Les Mots Croisés avec sur France 2 avec Arlette Chabot et Alain Duhamel, thème sur la délinquance. Donc dès qu'on a l'intervention de Max en direct, on n'hésitera pas une seule seconde, nous de notre côté, à écouter. Donc il y aura quelqu'un qui voudra réagir sur ce que Max dira. Donc pour ça, on va récupérer Catherine, 25 ans d'Orléans. Rebonsoir à toi, Catherine. Rebonsoir tout le monde. Salut, Catherine. Bonsoir, Manu. Voilà, Gérard, j'ai une histoire super bizarre à t'expliquer. Et puis, en fait, je veux savoir que tu me dises ce que t'en penses. Parce qu'en fait, je travaille depuis un an dans une boîte et là, j'ai très envie de me faire mon patron. Mmh. Et en fait... J'essaie d'utiliser des subterfuges assez appropriés, tu vois, mais ça marche pas. Et puis je sais pas trop s'il faut. Enfin, tu vois, je suis un peu dans le confus, là. Et ça fait combien de temps que tu travailles avec lui dans la même boîte? Un an. Un an, et ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ça fait, je dirais, 9 ou 10 mois, quoi. Ça a commencé peu de temps après que je suis rentrée. Et vraiment, je craque sur lui, mais en même temps, il a 45 ans, il est marié, il a 5 enfants. Donc, tu vois, j'ai du mal, quoi. Non, mais c'est pas évident, hein, en plus, hein, là c'est compliqué cette histoire. Hein. Un petit peu, parce qu'en fait pour essayer de me rapprocher de lui, je me suis fait son fils, le fils aîné qui a mon âge à peu près. Mm-hmm. Donc tu vois quoi, ça lui a plu, tout ça, on était un peu complices, machin, mais bon, tu vois, j'étais la copine de son fils, donc maintenant son regard a un peu changé. Ouais, mais son fils aîné, qu'est-ce qu'il en pense lui de ça? Tu lui en as parlé, non? Ah bah non, évidemment. Parce qu'il faudrait voir déjà lui qu'est-ce qu'il compte faire lui. Ouais non mais lui bon je m'en fous un peu quoi, c'est pour me rapprocher de son père. Parce que bon logiquement je vais devenir sa belle-mère, donc faut pas qu'on aille trop loin non plus, tu vois. Ouais mais attends, s'il est déjà marié, ça va être compliqué parce que toi t'as 25 ans, si lui il y en a 45, il y a 20 ans d'écart, tu me diras c'est pas l'âge qui compte. Non. Mais bon, s'il est marié avec 5 gosses, ça va pas être évident, hein. Bah, pour moi, ça ne pose aucun problème. Hein. Je suis prête à les adopter, tous. Ouais, mais d'accord. Mais attends, ils ont quel âge, le dernier, il a quel âge? Il a 8 ans. 8 ans, et les autres? Bah, 8, 12, 15, 17 et 25. Ah, d'accord. Ben, ça va pas être évident, hein, ton problème, hein. Ouais, bah ouais. Et qu'est-ce qui t'attire dans ton patron? Ben tout en fait, c'est aussi le fait qu'on fasse rien, mais que ce soit tout soit sous-entendu, qu'il a l'air d'être en plus vachement attentionné avec sa femme, il commande toujours des fleurs, enfin, tu vois quoi, donc moi j'ai envie de ça. Mais est-ce que toi de ton côté, est-ce que t'as essayé d'y offrir quelque chose sans que sa femme soit au courant ou pas? Ouais, je lui file des petits mots des fois, mais bon, j'ai l'impression qu'il comprend pas ou qu'il veut pas comprendre. Enfin, c'est bizarre, quoi. En même temps, je suis sûre qu'il est amoureux de moi, mais... Ouais, mais faudrait qu'il te le prouve aussi. C'est, le problème, c'est que vous travaillez tous les deux dans la même boîte et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Mm-hmm. Mais ça, je te dis, pour l'instant... Faudrait, ouais, tu lui écris, et puis tu essayes de lui envoyer des emails. Des emails? Mais on voit déjà des emails, ça passe bien, mais parce qu'on a chacun l'ordinateur. Mais il te répond. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il divorce, quoi. Et donc, il faudrait que j'arrive à le faire divorcer. Ouais, mais c'est pas évident, hein. Ça dépend, ça fait combien de temps qu'il est marié et puis tout, hein. Ça fait longtemps, je crois. Hein. Il s'est marié vachement jeune, tout ça. En même temps, toi, c'est la seule femme qu'il a connue. Ils sont mariés à 19 ans. Voilà, je suis sûr qu'il a envie d'essayer autre chose et autre chose de plus jeune, quoi. Ouais, mais attends, tu vas pas forcer quelqu'un à divorcer s'il a pas envie, non, si c'est ça le problème. Bah, moi, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, l'important, c'est que je l'ai pour moi, tu vois. Bah ouais, mais attends... Là, s'il aime bien sa femme, je vois pas comment qu'il pourrait faire pour t'aimer aussi en même temps. Donc, faudrait qu'il soit sa maîtresse, en fin de compte. Ouais, non, j'ai pas envie. Moi, je le veux pour moi toute seule. En plus, il y a du fric, donc c'est toujours à mon parti à prendre. Ouais, mais non, mais attends, faut pas tout de suite jouer parce qu'il a du fric, ça veut rien dire, ça. Hein. Pourquoi? Attends, c'est pas avec le fric que t'attires les gonzesses, hein. Je suis désolé, hein. Oui, ouais. Non, ouais. Pas. Tu les attires comment? Je te vois Gigi, parce que non, moi, avec le fric, c'est pas ça. Ah non, non, moi, j'attire pas les... Même avec du vinaigre, non, les femmes, moi, je les laisse venir à moi, c'est tout. Je vais à elles. Ah, le beau gosse. Ouais, c'est tout. C'est un charmeur, ça. Ah bah, ouais. Comment que j'ai fait pour attirer Sandy, hein? Justement, ah, comment passer, ouais. Bah, elle est pas là, elle est dans... Avec un gros bout de gruyère, tu sais. Non, bon... Avec un gros hameçon, quand même. Non, bon. Donc, pour en revenir à ton problème... Ouais. Non, pour l'instant, faut mieux... Ouais, Yvanka, tu voulais dire... Ouais, je voulais dire, parce que t'as pas l'air convaincu qu'elle peut réussir à l'avoir pour elle toute seule. Mais toi, par exemple, Gérard, dans quelques années, tu vois, dans l'absolu, un homme, quand ça vieillit... Ça aime bien voir que les petites jeunes, elles s'intéressent encore à lui, tu vois. Toi, ouais. Par exemple, quand tu auras 50 ou 60 ans, en plus, c'est ton anniversaire bientôt, tu vois. Quand tu verras des gamines de 20, 25 ans avec des petites robes et tout ça qui te draguent, ça te fera plaisir, non? Bah, pour l'instant, moi, j'ai ce qu'il me faut. Oui, mais toi, t'es pas encore vieux. Enfin, t'es un peu vieux, quoi, mais... t'es pas vieux au niveau de l'âge, quoi, tu vois, c'est... Ah bah si, je veux quand même sur 40, hein, faut quand même pas pousser. Ouais, c'est vrai. Mais c'est là que tu commences à être intéressant, en fait. Ouais, mais non, c'est pas... Les hommes mûrs, quoi, les hommes bien mûrs, c'est ça, Catherine. C'est quand même dégueulasse ce que tu veux faire, Catherine, excuse-moi. Bah non, moi je trouve ça moral, j'aime un homme, je le veux pour moi, point, quoi. Bah non, mais attends, parce que là, il est marié, s'il aime bien sa femme et tout, donc je vois pas comment tu peux le faire divorcer comme ça, hein. Ah, mais je sais pas, mais je vais y arriver, mais tu veux pas m'aider, visiblement, quoi. Bah attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vas pas forcer quelqu'un qui a pas envie de divorcer pour venir avec toi. T'as pas envie de m'aider, c'est tout. Bah non, la question c'est pas que j'ai pas envie de t'aider, c'est comment tu veux que je trouve le remède miracle. Bah, ou à moins que tu lui donnes un espèce de flacon, qui lui mette ça dans sa tasse et puis ça y est, terminé. On n'en parle plus. Et si je lui sautais dessus? Ah bah là, c'est peut-être pas la bonne raison. Hein. Et pourquoi elle ne le dirait pas chez en fait ce mec-là et tout avouer devant sa femme et ses enfants, Gérard? Oui. Bah ouais, mais si lui il n'est pas d'accord qu'il y a là. C'est ça le problème. Non, bah, il va sans son accord. Il va, elle force. Tu sais où qu'il habite au moins? Bah évidemment, je le suis des fois. Bah dans ces cas-là, tu tentes le coup, t'essayes comme Fildor t'a dit, t'essayes. C'est chaud quand même. C'est un peu un conseil de merde, hein, si je peux me permettre. Ah, c'est pas un conseil, je demande à Gérard si c'était une bonne idée. Je peux dire que c'était la manière. Si vraiment elle l'aime et puis qu'elle veut rien que pour elle, le mieux c'est qu'elle y aille, hein, puis c'est tout. C'est une super bonne idée. S'il y a, faut bien me dire une chose, c'est que fais quand même attention au revers de médaille derrière. Hein. Ah oui. C'est-à-dire, je connais pas cette expression. Ben, fais gaffe comment que ça va tourner, si tu peux pas dehors avant, de savoir comment que sa femme va réagir. Hein. Mais elle va divorcer, quoi. Tu devrais peut-être lui en parler à lui avant. Essaye déjà d'y en parler. Ouais, essaye d'aborder le sujet. Sa femme. Essaye d'aborder le sujet, de savoir si lui il est d'accord pour qu'il y ait une discussion à trois, puis c'est dans ces cas-là. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, je mets ça entre guillemets, déjà lui faire un petit bisou avant qu'il divorce. Et pas le contraire. Bah non, tu l'embrasses sur la bouche devant sa femme et tu vois bien la réaction de sa femme derrière. Ouais, sympa, puis devant ses mômes et tout. Ouais, Gérard, ouais. Ouais, elle s'est bien fait l'aîné du boss. Hein? C'est vrai. Ouais, elle s'est déjà fait un de ses fils. Alors, donc. Il serait plus vieux, ouais, mais bon, je suis sûr qu'il vaut rien à côté de son père. Moi, je veux son père, mais la super fille, il va aller voir sa femme et je vais lui dire qu'on a une liaison et que voilà, je vais vivre avec moi et voilà quoi. Ouais, mais est-ce qu'il est sûr de vouloir vivre avec toi? C'est ça le problème. Ils sont même pas ensemble, c'est le problème. Est-ce que vous sortez ensemble déjà? Non, pas encore. Non. Ah, voilà le problème. Mais pour qu'on sorte ensemble, il faut qu'il soit divorcé, il faut que je... Bah non, mais vous pouvez aller manger tous les deux. Mais ça nous arrive, oui. Bah dans ces cas-là, t'essayes de manger avec lui, puis t'essayes d'aborder le sujet sur... Enfin, la cafette, c'est pas pratique. Bah non, mais en dehors de la cafette. Ah bah non, mais on se voit qu'au travail, on ne voit pas le soir. Tu l'invites à prendre un verre. Après le travail, ça n'engage à rien. Mais lui dit, au lieu d'aller à la cafette, vous allez dans un resto à côté. Dans un McDo. Vous allez au resto et tu lui payes le resto, tiens. Ouais. Mais ouais, un golden menu, c'est romantique. Il y a un gros cheese et un petit cheese. Et puis là, t'essayes de voir avec lui ce qu'il en pense. Ok. Non. Ouais, bah, je vais peut-être faire ça, mais l'idée de sa femme me paraît comme étant la meilleure quand même. Ouais, mais vas-y quand même doucement. Hein. Non, j'ai rien à perdre. T'as tout à y gagner. Exact. Bah, tu peux faire ton boulot, excusez-moi, j'aimerais revenir là-dessus, c'est quand même ton patron. Si jamais ça ne lui plaît pas, il va te taire. En fait, c'est mon patron, mais c'est pas le patron de la boîte, quoi. C'est mon supérieur, quoi. Ah ouais, mais là, tu risques de perdre ta place derrière aussi, hein. Non, parce que t'es quoi dans, avec lui? Je suis l'assistante, en fait, de son subterfuge, en fait, tu vois. Bah, t'es assistante de direction. Ouais, en gros. Ouais, donc tu peux y amener le petit café tous les matins. Non, je suis pas Bonnie, je suis assistante de direction. Ouais, mais tu y amènes quand même son petit café quand il te le demande. Non, c'est la secrétaire qui nous amène le café. Ah bon, carrément? Bah oui. Ah ben. Non, mais tente ça, puis tu vois. Hein. Ouais, bah je vous rappellerai, puis je vous raconterai quoi, comment je me suis tapé son homme. Quoi. Je vais juste demander à Gérard. Gérard, admettons que tu sois dans sa position, tu vois, à sa place. Mmh. En le vrai. Imagine que tu es dans la peau d'une femme. Une belle femme. Non, ça m'est jamais arrivé, ça d'être dans la peau d'une belle femme, non. Et en fait, que tu tombes amoureuse de ton patron. Mmh. Tu sais pertinemment qu'il est marié, qu'il a des enfants. Est-ce que tu vas jusqu'au bout ou est-ce que tu laisses tomber parce que tu... Non, moi je lâche l'affaire avant. Tu veux pas casser un coup de poing, mais tu l'aimes à fond, quoi. Non, mais même... Tu l'aimes à mort. Non, mais je lâche l'affaire, je tente pas le pire, moi. Bah, t'as bien raison. Alors pourquoi tu lui conseilles de faire ce que tu ferais pas? Bah non, bah, il faut bien lui donner un conseil. Parce que sinon, elle va continuer. C'est peut-être ça le conseil, en fait, de pas le faire et bah, si elle passer son chemin. Non, mais il y a d'autres hommes sur Terre, putain. Ouais, mais même, si elle continue à l'aimer, donc si elle l'a à tout prix dans la peau, on peut rien faire là-dessus. Non, on peut rien faire. Justement, toi, t'es dans sa peau. Hein. T'es dans sa peau. Moi, si je le fais pas, j'aurais des regrets, quoi. Je préfère le faire, avoir des remords, et puis moi, mais dis, je l'ai fait, quoi. Ouais, mais tu brises un coup, et derrière, tu risques de prendre la loupe. Ah, mais ça ne me pose aucun problème. Ouais, mais attention, parce que si tu prends, si tu vires. Donc, il ne peut pas me virer. Non, pourquoi? Attends, tu dis qu'il ne peut pas commander. Non, parce que je ne vais pas t'expliquer non plus. C'est un peu lunatique. Il ne peut pas. Elle a des secrets. Ouais, mais de manière, quand ils voudront savoir où tu as travaillé, puis s'ils savent qu'il y a eu ça, fais-moi confiance que t'es mal barré. Hein. Non, c'est pas trop le problème, le travail. non, c'est aucun problème. Donc, voilà. Mais je veux qu'il divorce, il divorcera, il se mettra avec moi, et je serai heureux avec lui aussi. Eh ben. Tente ton coup, on sait jamais. Ok. On veut bien l'adopter. Hein. D'accord, bah, tu nous rappelles à l'occasion, tu nous laisses un petit message sur le 01 40 521 521. Ouais, bien. Et on te rappellera, puis on essaiera d'éplucher la fin de ton histoire ensemble, alors d'accord? Ok. Allez, ciao, bisous. Bye. Alors, on va accueillir Pablo. Bonsoir Pablo, 34 ans de Sainte-Marie-de-la-Mer. Ouais, bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Il y a Evan aussi ensemble. Evan, 20 ans de Lyon. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir, donc on écoute Fun Radio sur 96.3 pour Lyon, 93 pour, pardon, 93.3 et 104 FM pour Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc vous voulez réagir tous les deux sur le... C'est Max, t'as pas encore dit. Voilà, bah pour l'instant, on attend. Pas tardé, on attend. Ouais, parce que pour le moment, c'est Marie-Lise Le Branchu. Hein, oui, c'est Mérite au ministre, quand même. Voilà. Mérite la ministre, c'est Max. C'est ça, ouais, mais ça, c'est Arlette Chabot et Alain Duhamel qui sont les patrons de l'émission. Donc, on attend toujours l'intervention de Max donc dans Mots Croisés sur France 2. Donc, dès qu'on a l'intervention, on n'hésitera pas à vous le mettre en direct. Ce qui serait sympa, c'est qu'il passe pendant la pub. Oui, si, je pense qu'il va arriver. Ouais. Non, mais moi, sympa. Je voudrais pas qu'il passe pendant la pub parce que comme ça, on pourrait avoir les réactions des, deux auditeurs. De toute façon, si jamais ça passe pendant la pub, nous, de notre côté, on enregistre. Thomas, il fait sans prod. On va accélérer en plus. Et on en balance après la pub. Et on en discute. Voilà. On a pas qu'il nous passe ça en voix accélérée. Hein. Non, ce serait dégueulasse. Je peux me permettre un compliment parce que quand même, Gérard, c'est un excellent animateur de Radio Libre sur cette heure, en tout cas. C'est clair. Il y a vraiment pas, mais c'est vraiment nickel. C'est qui à un moment, Evan de Lyon, moi. Et franchement, mais vraiment bravo Gérard, parce que pour ton retour, c'est plus qu'un retour, tu maîtrises vraiment bien quoi. Bah disons, fallait bien essayer de se calmer un petit peu avant de revenir. Ah ben en tout cas tu reprends très très bien, tu t'as presque à garder la main sans doute. C'est presque crédible, hein. Voilà. Alors, ça la main. Quoi, face à Arlette Chabot quand même. Hein. Ouais, mais ça. C'est pas le même niveau. Hein. Voilà. Donc, alors, vous voulez réagir sur. Ce qu'on peut faire déjà, c'est parler un peu de la délinquance. Ouais, voilà, ça peut encore parler. Oui, et bon, parce que je crois que Pablo a un témoignage justement, parce que je crois que c'est un ancien délinquant, Pablo. Tout à fait, voilà, moi je peux livrer un petit peu mon témoignage, mon expérience. Et Evan, bien sûr, tu restes avec nous et tu peux réagir. Avec plaisir, l'amour. C'est vrai que j'ai fait pas mal de conneries quand j'étais jeune, hein. Moi, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais je peux comprendre ça, Gégé. Ah ouais, non, mais je comprends. Jardin secret. Non, oui, c'est... Donc, j'ai filé des coups de main, on a taquiné de la poule un petit peu quand même, et puis moi, j'ai filé des coups de main pour 2-3 déménagements, quoi. C'est-à-dire, les déménagements qui se font la nuit, là, tu vois, les déménagements un peu tard, là, tout ça, une chambre de potes, un camion, c'est ça vite fait. Un carton de portable, tout ça. Voilà, dans le style, voilà, par exemple, on peut l'escaler, Ouais, puis vous le revendrez comme ça à la fauvette. À la fauvette, tout à fait, sous le menton. pas la fauvette. À la fauvette, pardon. Tout ça, ça se revend sous le menton aussi. Hein. Ouais, d'accord. Bon, c'est bon. Il y a des conneries qu'on a faites aussi, c'est vrai que ces derniers temps, ce qui est quand même facile, c'est quand même le fret. Parce qu'il faut savoir que entre braquer une banque avec des vigiles qui ont des flingues et tout, et puis je suis au piège, je sais que tu vas pas être content, mais tu attrapes un routier, le mec il est fatigué, tu lui mets deux coups de pavé, tu prends le camion, c'est vrai que ça vaut plus le coup quand même. Bah, de toute manière, c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'on a deux. Mais ça se passe plus la nuit et puis pendant les vacances, ça c'est un peu le style. Le racket des portes ouvertes, hein. C'est ce qu'ils montraient là sur Cannes il y a pas longtemps à la télé. Hein. Ouais, donc c'est à peu près pareil. Hein. J'ai une question pour Pablo, est-ce que tu te repens? Est-ce que pardonné de ce que tu avais fait avant? Ah bah en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai fini par me faire choper. Donc j'ai fait quelques années où j'ai eu le temps de réfléchir et de me reposer, tu vois. Et finalement tu fais quoi maintenant? Et puis maintenant je me suis réinséré, je suis gardien de nuit dans une arène au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je suis veilleur de nuit, bon c'est un petit taf tranquille, et puis je suis un petit coup de main pour les petites associations, pour les jeunes, la réinsertion. C'est des activités, quoi. C'est bien. Ce qu'on va faire, on va reprendre ça juste après. Parce que là, ça va être le moment de la pub. On va faire la pause, comme ça, on va l'envoyer en couteau, comme ça, on essaiera d'avoir au maximum Max, tu vois. Avant la fin de l'émission, parce que normalement, il ne devrait plus tarder. Là, depuis le temps qu'il est parti, il devrait même être arrivé. D'accord. Donc, on se retrouve tout de suite après, Evan et Pablo. Ne quittez pas, vous êtes toujours sur Fun Radio. On attend l'intervention de Max en direct sur France 2. Donc, on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Rejoignons Gérard. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, vous pouvez vous brancher sur France 2. Donc, le thème de l'émission, c'est Mots Croisés en direct sur France 2 avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Le thème, la délinquance. On vient d'apercevoir Max. Parce que Max est là-bas. Sur le plateau avec Victor. Donc, on les a aperçus. Donc, ils vont pas tarder d'intervenir Et Victor aussi, j'ai pas vu. Si, il y a Victor qui est parti avec eux. Donc, ils vont pas tarder. Il va pas tarder d'intervenir. Donc, dès qu'il intervient, il est juste. Et juste derrière, là. Tu peux toujours Pablo. Pablo et Ben, donc on vous récupère. Et donc on l'aperçoit toujours, là. Donc dès qu'il interviendra, ça. On mettra du son sur, sur l'antenne, comme ça on pourra en savoir, on pourra savoir ce qu'il dit exactement. On va encore se marrer, il va dire des conneries. Comme d'hab, ça change rapport. Donc le sujet est sérieux, on peut le dire. Parce que Pablo, sur la délinquance, ça rigole pas. Attention. Donc alors Pablo, donc toi tu disais, donc on revient sur ton thème, et Van, tu peux toujours réagir. Hein. Toujours. Ouais, moi j'ai fait des conneries, puis j'ai fini par me faire choper comme je te disais tout à l'heure. Mm-hmm. Et puis bon bah maintenant ouais ça va mieux quoi. Je me suis calmé, je me suis mis dans le bon chemin, tout ça quoi. Donc bon. Voilà, mais bon, c'est vrai, c'est pas facile, hein. C'est quand on est jeune, tout ça, tu sais comment c'est, hein. On a envie de flamber, il nous faut des sous, tout ça, donc bon. Voilà, on fait des conneries vite fait, quoi. T'as fait des petites conneries toi, Gégé? Étant plus jeune. Sans dire quoi, ou tu vois, des petites conneries comme. Comme tout le monde, les vols de sac à main, ça c'était ma spécialité. Une petite connerie, je l'ai bien. C'est pas bien, les gens qui écoutaient, c'est pas bien. Ne faites pas ce que je fais, hein, surtout. Surtout, ne faites pas, n'écoutez pas ce que je dis, et ne faites pas ce que j'ai dit, hein, c'est pas beau à faire. Oui. Est-ce que t'as déjà eu affaire, toi, la marée chaussée alors? Non, pas jusqu'à maintenant. Hein. Pas jusqu'à maintenant, tu t'es jamais fait pécho? Non, je touche du bois pour l'instant, non. Ouais, tu touches ta jambe? Non, je touche du bois, parce qu'il y a du bois dans les studios, donc jusqu'à maintenant, non, mais j'espère pas. Donc, tu penses, Gérard, qu'on peut être délinquant toute sa vie et gagner sa vie en étant délinquant? C'est pas évident. Hein. Un mode de revenu, c'est pas évident, mais quelqu'un qui se débrouille bien, il peut être délinquant toute sa vie et réussir sa vie tranquille et rouler en Ferrari et tout, ou est-ce que... Non, je pense pas. Je pense pas, parce qu'une fois que t'es fiché en rouge, là c'est dur. Hein. Ouais, mais s'il ne s'est jamais chopé. C'est pas très stable. Hein. Ouais, non, mais. Même si moi, une fois j'étais fiché au grand banditisme et. C'est qui Pablo, là, hein. C'est Pablo. Ouais, ouais. Ah oui, moi j'étais fiché au grand banditisme, franchement, c'est pas facile après. Hein. Mmh. Ça importe la vie, quoi. Mmh. Et comment t'as fait pour t'en sortir, toi, Pablo? Ben, j'ai pris 50 tôles. Ah ouais, bien sorti. Ouais. Donc voilà, j'ai fait 5 ans à Fresnes dans le 9-4 et ça calme un petit peu, quoi. Ouais, mais c'est que ça doit pas être toujours marrant. Hein. Non, mais tu m'es drôle. De toute manière, on leur souhaite quand même bon courage à ceux qui sont en zonzon, comme Fildar en ce moment. Il oublie de donner quand même des nouvelles des... Non, j'oublie pas, mais c'est toujours les mêmes. Donc tu vois, on leur souhaite beaucoup de courage. Et puis bon, bon rétablissement. Bah, Christiane Acaro, c'est tout. Puis tous ceux qui sont sur la route, sur peur de taxi, tout ça, on les oublie pas non plus. Ouais, Christiane Acaro aussi. Hein. Et donc... Evan, toi, t'as rien fait dans ta vie? Non, un gamin sage, tranquille, non, j'ai pas voulu aller. Ouais, tu me diras, 20 ans. À 20 ans, on peut faire des trucs, hein, quand même, hein, mais non, c'est vrai. Surtout que dans la ville de Lyon, c'est quand même chaud aussi là-bas. Ah, il y a des quartiers chauds. C'est chaud, là, actuellement, donc c'est tranquille, hein, il fait assez tiède. Non, je te parle des 15 degrés, je crois. Je te parle des quartiers, je te parle pas de la température qui fait dehors. Non, les quartiers, ça va. Quand les bagnoles brûlent pas, c'est bon, quoi. Il fait relativement froid, c'est tranquille. Mais moi, je voulais savoir, Gégé, parce que quoi, comment tu as réagi vis-à-vis de la délinquance, quoi? Parce que j'ai cru savoir que tu avais eu quelques problèmes, justement, avec les jeunes. Comment, toi, comment tu réagis vis-à-vis de cette délinquance, quoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Attends, comment ça que tu sais que j'ai eu des problèmes avec les jeunes? Bah, je sais pas, mais d'après tout ce qu'on a entendu, t'as pas eu des problèmes, mais t'as subi un peu la délinquance, quoi, d'une certaine manière. Dans quel sens que tu veux? Dans quel sens? Les histoires de tract, tu sais, à l'époque. Bah, non, mais ça, bon. Oui, mais ça a été confronté, néanmoins, ces problèmes. Ouais, mais ça a été confronté, donc moi, j'ai pas eu de suite à cette histoire. Il n'y a jamais eu de suite en fin de compte. Hein. Ouais, mais t'as été délinqué quand même un petit peu, t'as subi la délinquance. Bah, disons, non, mais c'est les jeunes qui s'en prenaient sur moi, c'est tout. Hein. C'est pas moi qui m'en prenais sur eux, c'est eux qui s'en prenaient sur moi. Pourquoi? Parce que... Vous voulez piller ton sac à main? Parce que je faisais de la radio en fin de compte, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Ah oui, quand c'était le contraire, quand c'est toi qui délinquais et que tu fauchais le sac à main, je suppose que d'abord c'était des vieilles. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, mais ça, c'était quand j'étais tout jeune. Attends, voilà, j'avais 10-12 ans, donc maintenant, je me suis rangé depuis. Hein. T'as fait comment pour arrêter de délinquer, toi, pour sortir de la délinquance? Bah, de toute manière, je me suis jamais fait pécho, et puis c'est tout. Hein. Non, mais comment t'as arrêté? Comment t'as fait pour arrêter? Ben, je me suis dit, il faut mieux que j'arrête, parce que le jour où je me fais attraper, ben, ça me coûte cher. Et t'as gagné ta vie quand tu... Moi non, parce qu'il n'y avait presque rien, alors je pouvais pas les attraper au moment où ils sortaient de la poste, alors c'est ça le problème. T'as été en délinquance de quel âge à quel âge, à peu près, ça a duré longtemps? Non, bah, ça, non ça a duré un an, c'est tout. Un an, c'est tout? Ouais, ouais, après j'ai pas continué, je me suis rangé. Non, je me suis rangé, et puis maintenant, bon... Un peu clandestin, quand même. Ben non, pas trop. Non. Maintenant, je suis bien où que je suis. Alors, bah, tu joues au grand jour avec la radio, tout ça. Tu peux pas te permettre de partir en sucette, en fait. Ben voilà. Ouais, c'est vrai, bon, de manière, j'ai quand même... il y a eu quand même des petits hauts avec Max et tout ça. C'est pas... Ouais. C'est pour ça que... Non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, vous ne m'entendiez plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu ces problèmes-là, et donc... J'étais pas trop d'accord de continuer à venir à la radio en ayant des problèmes comme ça. T'as déjà été au bloc, Gérard? Non. Jamais? Non. Heureusement pour moi, parce que sinon, je serais pas là à l'heure actuelle. Hein. Bah, si, puisqu'il y en a qui s'en sortent. Oui, je l'ai trouvé. Ouais, mais... Non, mais ça aurait été plus dur pour moi par la suite. C'est votre micro. Non, mais ça aurait été plus dur pour moi par la suite. Ouais. De pouvoir, en sachant que j'avais fait de la tôle, et puis de pouvoir me remettre dans la vie actuelle, c'est pas évident. Hein. Ouais. Et Sandy est encore là ou pas, GG? Sandy, elle est dans le bureau, elle est en train de regarder la l'émission. De fitness de... Ah, pour, là, y a du cas. Jane Fonda. Elle est en train de regarder l'émission. Ouais, voilà. J'aurais voulu savoir si elle, dans la gitanerie, tout ça, elle avait un petit peu connu la délinquance de son côté, parce que ça arrive aux filles hein, aussi, des fois, faut quand même, il n'y a pas que les mecs, hein. Ça, on peut lui poser la question. On va l'appeler, on va l'appeler en direct. On va l'appeler dans le bureau et puis c'est tout. On va essayer de savoir. On va essayer de savoir. Les manouches, ils volent des poules. Hein. Bah, ça, partout. Hein. Ouais, bah, c'est clair. C'est partout, mais il faut trouver le bon poulailler. Il faut trouver le bon poulailler. C'est trop philosophique pour moi ce soir, Gilles. Vraiment. Elle est là. Bon, Sandy. Donc, je pense que tu as écouté la question de Pablo Oudévan. Ouais, non, j'ai jamais fait de conneries de délinquance parce que j'étais quelqu'un de disons qu'avec mes parents, il y avait, si Dieu veut, c'était strict, quoi. Il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, et puis à la maison, déjà, on n'avait pas le droit de regarder la télé, il fallait qu'on aille se coucher à 8h, vers 8h30, on mangeait sur les coups de 7h, donc en plus, on n'avait pas le droit de sortir, ni rien. Donc je pouvais pas faire de conneries. En plus j'avais mon père qui me surveillait 24h/24, donc En fait la seule connerie que t'as faite c'est de te mettre avec Gégé. Bah non, on peut pas dire que c'est une connerie, non. Non, on peut pas dire ça, mais disons que avec Gégé, bon, la première chose que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit une lettre et je pensais pas qu'il me... Non mais ça c'est pas de la lettre. Hey, réponds pas à côté de la délinquance. Réponds pas à côté de la question. On te parle si tu as de la délinquance, on ne parle pas de comment savoir comment qu'on s'est connu par courrier, par Petaustock, par Wall City. On te demande si tu as fait de la délinquance. Ouais, clair, net, précis. Mais non, j'ai pas fait de délinquance. Mais quand t'étais petite, t'as bien volé, je sais pas, moi, des bonbons, des trucs comme ça, des rouges à lèvres, des trucs comme ça. Ah, c'est parce que tu m'as dit une fois, tu m'as dit que t'avais... Mais c'était des petites conneries de gamine. Ah bah ouais, et alors, et bah c'est quand même de la délinquance, hein, je suis désolé. C'est bah si, ça commence comme ça. Hein. C'est quoi la délinquance? C'est quelqu'un qui insulte ou quelqu'un qui insulte? Voilà, Pablo. Oui, non, c'est pas moi, c'est Evan. Evan, t'as pas quelque chose derrière? Une autoroute, mais c'est pas trop bon. Ah, t'es dans une cabine? Non, je suis dans la rue. Ah d'accord, parce qu'on entend des bruits là. Bah, c'est un peu bruyant. Bah, c'est le bruit de la rue. Pour en revenir avec l'histoire à Sandy, donc... Non, mais j'ai pas fait de délinquance. Hein. Ouais. À part, bon, comme tu dis, Gérard, tout à l'heure, je prenais de l'argent dans le porte-monnaie de ma mère, et c'était des bonbons, quoi. Voilà, donc ça peut être comme la délinquance, je sais pas, mais j'étais trop petite, donc j'avais 6-7 ans, quoi. Ah bah si, c'est considéré comme de la délinquance. Hein. Et après, j'écrivais ça aux copains et aux copines. Hein. Tu vois, quand j'allais à l'école, je faisais une distribution de bonbons. Bon, mais des bonbons qui n'étaient pas achetés par toi, mais volés par... Ah non, si, je les achetais. C'est-à-dire mais j'avais l'argent, j'allais à la boulangerie, et puis après, bah, c'est comme ça que je les achetais. Hein. Ouais, mais c'est de l'argent volé. De l'argent sale. Bah oui, on peut dire ça, tu achetais les bonbons, ils prenaient pour une voleuse. Ben non, c'est qu'elle prenait de l'argent dans le porte-monnaie de sa mère pour acheter des bonbons pour les redonner aux copains. Voilà. Mais ça, c'est de la petite délinquance. Tu as gardé une partie pour moi aussi, quand même. Ben ouais, mais tu as gardé une grosse partie, hein, parce que... Et ton père, il ne demandait pas où tu avais eu l'argent. Non, c'est parce qu'en fait, il ne se rendait pas compte. Enfin, si ma mère, elle s'est rendue compte par la suite, parce que... Je vous coupe, hein. Attendez, Alain Duhamel laisse parler Max. Alors, on va écouter en direct ce qui se passe sur la 2. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul, les deux. Bon, pour vous, la musique, le rap, etc., ça joue un rôle d'excitant, ça joue un rôle de défoulement, ou c'est les deux? Alors, Fun Radio, déjà, on passe pas systématiquement que du rap. Alors, pour parler des jeunes, effectivement, là, tout à l'heure, sur le rap. Et c'est au nom de la radio. Sur le rap, bien précisément, sur lequel on parlait, parce qu'effectivement, là-dessus, il y a des paroles et on peut s'exprimer beaucoup plus facilement. Mais pour les jeunes aujourd'hui, il y a aussi d'autres mouvements dans la musique qui sont très importants. La musique électronique, la techno, comme on dit, avec dernièrement, il y avait les free parties, où également, là, c'est une façon de se libérer la tête et d'être un petit peu contre tout. Maintenant, moi, qui ai 30 ans aujourd'hui, à l'époque aussi, j'avais ma façon de penser. J'avais l'impression d'être constamment incompris par mes parents et par tout le système. Donc, j'avais une façon de me rebeller également qui était par la musique. Et puis, le fait de sortir dehors, d'être avec des copains, d'être systématiquement incompris. Aujourd'hui, le rap, effectivement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Ça existe depuis 10 ans. Vous avez commencé le reportage avec un groupe comme NTM qui est là depuis déjà longtemps. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et dans le reportage, qui était très intéressant, dans ce qu'on disait, c'est que je pense pas que si demain les groupes de rap se mettaient à parler d'amour, que ça changerait véritablement quelque chose. Ils sont effectivement le reflet de ce qui se passe dehors. Inversement, quand ils parlent de violence, est-ce que ça a une espèce de rôle, je dis pas d'apaisement, mais on s'exprime comme ça, puis voilà. Non, mais bien, est-ce qu'au contraire, ça excite et ça entretient. Il y a une certaine provocation, c'est sûr. Moi, je sais que sur l'antenne, on aborde pas que les sujets de violence, que c'est pas que le but de l'émission le soir, mais c'est vrai que quand on commence un petit peu à parler des conflits qu'ils peuvent avoir avec leurs parents, ils aiment bien aller jusqu'à l'extrême, quoi. Donc, ils se gênent pas. Et ça les y aide ou pas? Ça les y aide ou pas, je sais pas forcément, mais en tous les cas, ça leur fait du bien, mais ils ont effectivement la sensation systématiquement, quoi qu'on aborde comme sujet, d'être toujours incompris, quoi. Et ça passe même, parce qu'on parlait des parents, mais souvent le soir, sur l'antenne, on a même un conflit qui est parfois même entre frères et sœurs. Donc, avant, il y avait une certaine génération qui était plutôt d'une vingtaine d'années, chez moi d'une dizaine, et là, j'ai l'impression qu'effectivement, ça se resserre, mais dans le mauvais sens, où on a l'impression qu'il y a un conflit de génération. C'est-à-dire qu'il y a plus de différence entre 14 ans, 16 ans, un jeune de 14 ans, 13 ans aujourd'hui, ou 15 ans qui est sur l'antenne, s'il avait quand on parle d'un problème qui est peut-être parfois c'est sérieux, où je lui dis, t'as des frères et sœurs, et qu'il me dit, oui, j'en ai, et que je dis, bon, quel âge ils ont, il me dit 22, 23, je dis, bah, pourquoi tu te tournes pas vers eux si tu Déjà. Ils disent non, ils comprennent rien, ils sont comme toi. Et pourquoi ils reviennent vers moi? Vous discutez avec eux depuis quoi? Une dizaine d'années? Oui, pas loin de ça, ouais. Il va la brancher. Il va la brancher. Aussi. Ouais. La brancher à la voix comme ça. Mais vous avez plus, non, ça va, vous pouvez encore tenir pour rester avec nous un moment. Ouais, ouais. Simplement, est-ce que vous avez posé la question clairement qu'on a posée tout à l'heure en Est-ce que. Pas mal. Mais là, vous pouvez vous brancher sur. Branchez-vous sur France 2, n'hésitez pas. C'est pas qu'on s'autocensure, mais moi, déjà, à la base, je fais quand même relativement attention. Il peut y avoir des dérapages en direct. Moi, je considère plutôt comme un grand frère, quoi. Ils sont pas là forcément pour que je trouve des solutions et pour que je les écoute. Ils ont toujours la sensation d'être pas entendus. Est-ce que ça a une influence sur eux, ce qu'ils entendent? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ça m'est déjà arrivé dans des cas bien précis. Ouais. C'est allé des fois assez loin. Il y a eu dernièrement un jeune qui, en partant d'un concert, a voulu aller à Paris. Il n'avait pas eu de place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fugué. Il s'est retrouvé chez moi à minuit devant la radio. On a discuté ensemble. On a essayé de trouver des solutions. Et ça a l'air extraordinaire. Et vous l'avez trouvé? Bah, écoutez, moi en tout cas, il était là, il semblait qu'avec moi, qu'il pouvait faire quelque chose pour lui, donc son problème d'alcool, ceci, cela, donc de son père, il fallait absolument que je trouve une solution. C'est une question pour moi, pendant 24 ans, d'aller les de remettre dans la rue, donc on a discuté, c'est vrai que je me suis aperçu qu'il n'y avait plus aucun dialogue sur quoi que ce soit, et que la dernière chose qui lui restait à faire, c'était de venir me voir et de discuter. Quoi. Oui, je suis assez d'accord globalement avec ce que vous dites, mais j'ai trouvé quand même que ce qu'on voyait en sous-titres, les paroles du dernier groupe, La Lunatique, c'est quand même assez rude. Il y a une évolution, vous avez parlé de NTM qu'on voit aussi dans le reportage, où là il y avait dans les paroles il y avait un combat contre les institutions, la police, la justice, etc. Là on a l'impression que c'est une glorification. Ils ont changé parce que bon, c'est pas pour rentrer dans les détails des textes, mais enfin, NTM, entre ce qu'ils pouvaient se dire au départ et ce qu'ils disent aujourd'hui, ils ont changé. Maintenant ils ont le même rôle de grand frère. C'est entre les deux groupes qu'il y a une évolution. Et moi je pense quand même que sur des personnalités très déstructurées. Gérard, pour le moment, pendant que c'est pas Max qui parle. Donc n'hésitez pas, restez sur la 2. Pablo et Van. Pablo et Van, qu'est-ce que vous pouvez. Pablo? Je pense que tu es branché aussi sur France 2 en ce moment, non? Tout à fait, j'écoute le monsieur, il parle bien. Hein. Bah là, c'est Max, il n'y a pas à dire. Là, Max est en train de parler. Donc. On voit certaines images d'actualité, ça peut là aussi leur donner des mauvaises idées. Jamais. Donc, la musique alors donc. Parce que c'est la fin. C'est exutoire ou excitant? Mais c'est les deux. C'est ce que je pensais, mais ça, c'est à vous de le dire. Il a pas mal causé quand même. Ouais, non, mais c'est bien, il s'est bien exprimé. Gérard, ton point de vue, avant d'écouter. Il bafouille moins à la télé qu'à la radio quand même. C'est quand même une excuse, Chabot et Duhamel en direct sur Facebook. Par maintenant, en gros, c'est exclu, quoi. Eh, jamais. On verra pas ça tous les jours. Hein. Jamais plus. Non, je pense pas. Hein. Ouais. Après Love Story, maintenant France 2, donc c'est pas mal. Après, il va peut-être aller piocher dans... Peut-être faire Motus ou, Non, pourquoi pas, pour 40 degrés. Non, pourquoi pas avec, comment tu l'appelles, avec Julien Courbet, dans Sans aucun doute. Ah ouais, génial. Pourquoi pas. Il a sa place. Non, moi, je vois bien, cet été sur France 3, c'est l'été. Ah, bien sûr. Ils veulent du jeune, ils veulent que ça punch. Moi, je vois bien dans combien ça coûte, quand même. Ils veulent du rendez-vous. Je comprends, là. Mais donc, voilà. Il allait peut-être terminer par ailleurs l'année prochaine. Bah, avec Marion Genardier et des tigres. Bah, on verra, Ça va être béton. Donc Pablo Evan, donc pour conclure, puis Sandy, si elle est toujours là. Là, je peux revenir sur le truc de mon croisé là. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est vrai que Max il s'est bien exprimé, il a bien parlé et il a bien trouvé les mots pour. Hein. De toute manière, c'est ce qu'on a dit. Hein. Je confirme. Hein. Bah, si tu reprends tout ce qu'on dit, je crois que t'es pas à la bonne hauteur, ma grande. Hein. Donc, on va être forcé de... J'avais juste une question. Pourquoi Gérard, est-ce que NTM, c'est la délinquance ou pas? Disons, au départ, c'était parti comme ça. Hein, mais maintenant, bon, comme Max, il a c'est dit... C'est parti, mais ça va revenir ou pas? Non, je pense pas. Comme Max, il a dit, donc ils se sont calmés. Ils se sont rangés, en fin de compte. Hein. Ouais, c'est bien calme, quoi. C'est un bon groupe, calme, Benham. Donc là, on va être forcé de conclure. On va laisser l'antenne à Evan. Evan, j'espère qu'il va... J'espère qu'il va nous excuser des 7 petites minutes de retard parce qu'il y avait l'intervention de Max. Hein. Ça va être dur, hein, Gérard. Voilà. Bonjour, Pablo. Pablo et Evan, je vous souhaite bonne merci bourre. À toi. Et puis, Victor. Victor, le directeur sur la responsabilité d'une radio, on met parfois en cause les radios, ce que vous diffusez, ce que vous dites aux jeunes, etc. Est-ce que vous sentez cette responsabilité ou pas? Évidemment, et puis s'il n'y avait pas cette responsabilité, il n'y aurait pas de direction de direction générale d'une radio. Je crois que la liberté s'arrête là où le respect de l'auditeur commence. Et pour compléter ce que disait Max, notre rôle, c'est pas de se substituer à la famille ni aux grands frères, c'est d'inciter au dialogue. Et les jeunes ont besoin de dialogue. Ils ont besoin de parler. Alors c'est vrai qu'un animateur de radio, il est derrière un micro, il est peut-être moins impressionnant, on a envie de l'appeler, de lui parler. L'animateur, il est là pour inciter au dialogue, pour, j'allais dire, entre guillemets, vraiment déblayer le terrain. Mais combien de fois j'ai entendu Max ou d'autres animateurs sur l'antenne de Fun dire au final de l'intervention, bon, maintenant, tu as analysé ton problème, j'ai essayé de t'apporter des solutions, mais comme le disait Max, tu as des parents, tu as un grand frère ou une grande sœur, donc maintenant, parle. Ils ont un besoin de dialogue. La radio permet de, eh bien, d'avoir ce, la prémisse de dialogue qui ensuite se poursuivra dans le cercle familial. Oui, heureusement. Bravo, Victor. Bravo, Victor. Il a rallumé l'émission, la radio. Attends, je vais l'appeler sur le portable, en fait, il va s'écouter quand il va rallumer son portable, là. Ah ouais, mais attends, il était bon, là. C'est bon, là, non, il fait sérieux. Il fait... Bonne nuit, Evan. Bonne nuit, Evan. On retrouvera Max, bien sûr, demain soir. Et on remercie Gérard d'être avec nous, enfin, d'avoir passé cette heure avec nous. Bravo, t'as cartonné, franchement. Ouais, on remercie quand même Pablo et Evan qui étaient là en direct avec nous. Donc demain... Oui, on va rester aussi. Demain, donc, Max, dès 21h. Et puis là, maintenant, pour la nuit... Toi, tu reviens jeudi prochain quand même pour ton anniversaire. Jeudi, donc, dans deux jours. Donc, ouais, jeudi, on fête l'anniversaire de Gérard. Donc, on va envoyer des cadeaux. Voilà, envoyer des cadeaux. 20 rue Bayard. 20 rue Bayard, dans le 8e. T'as été super bon, Gérard, ce soir. Voilà, je t'ai écouté sur la route, c'était vraiment génial. Au fait, ton tour du monde, ça s'est passé comment? Il n'y a jamais eu de tour du monde. Ah bon? Ben non, c'est des conneries qui a été dit encore à l'antenne. T'es pas parti en Hongrie ou je sais pas quoi? Ben non, c'est des conneries tout ça. Ah, je savais pas. Ben si, je l'ai démenti la semaine dernière. Ouais, mais j'étais pas là, je peux pas écouter tous les jours, ben tu peux rigoler. Donc voilà. Il y a eu un petit croco, c'est pour ça.